Bonjour tout le monde. Question orale sur les grands magasins. Numéro 1. Quel grand magasin ouvre ses portes en 1852? Question numéro 2. Quel service est-ce que ce magasin offre? Question numéro 3. En quelle année sont fondées les Galeries Lafayette? Question numéro 4. Où est-ce que vous pouvez trouver des Galeries Lafayette en France? 5. Quels sont les clients que les Galeries Lafayette servent? Voilà, c'est tout pour les Galeries Lafayette. Until tomorrow, à demain.